יגיד נפינוזה עובד תוס חולה עוד טסטה רוזה לא זה סל פרח צ'ינוזה עובכי אוספר הוא לפלשת הנקוזה צ'וי דון לברקו הוא דון הסלה דון לקאג'אג הוא בגלל הקוקה שביא למיפריך דון למידאיה סייה פלויין משוקה דון סטבי שנביר סיפיס דו פלש ולכולי מונביר שלח פלאקר שנרקי שמי טיילים פלש ופליר Rajim Oski Manim Oui Je vais être legendary Comme tout Badakali Tu me parles de cette bite, tu me dis qu'elle est sale Son amour pour toi n'est pas plus vrai que c'est ça Je crois en Dieu, n'en parlons mais c'est mensonge On a tous ce côté malsain, est-ce que tu le sais Je fais l'école de la rue Glock dans le carton J'ai vu des lions devenir Des pauvres chiens de bâtard Je fais l'école de la rue Glock dans le carton J'ai vu des lions devenir Des bons chiens bâtards Bloqué entre rêve et cauchemar Les allocats C'est de l'argent Un jour on sert, un jour on se fait la guerre Bah ouais Bloqué entre rêve et cauchemar Les allocats Un pied dans le din, un pied dans le péché Paumé Bloqué entre rêve et cauchemar J'écris des lignes pour déverser ma haine, ma peine, comme si je buvais des litres. Et tous les jours je mets des coups de schloss à mon double diabolique. Que la chance nous sourit, juste une fois comme Mona Lisa. Vécu instable, solide sur les traits de nos visages. J'ai quelques frères qui marcheraient avec moi, même sur du magma. Parce que la confiance se perd et se gagne qu'une seule fois. Ça parle en clic clic pao dans mon squad pour les 49ers. Ici chacun pour soi, même des petits followers, y'a pas de ça, bastano. Tu veux que je te dise la vérité, madame? Eh, hey, c'est Raouf qui est à Poucade. On court après Dounia, la mort nous court après. J'te l'ai déjà dit, c'était la jungle à crie. Soit t'es le prédateur ou t'es la proie facile. Oui, oui. On veut tous briller comme des étoiles dans le ciel. Mais à force de vouloir briller, certains de nous s'éteignent. On veut tous briller comme des étoiles dans le ciel. Mais à force de vouloir briller, certains de nous s'éteignent. Bloqué entre rêve et cauchemar, vida loca. Un jour on s'aime, un jour on se fait la guerre. Bah oui. Bloqué entre rêve et cauchemar, vida loca. Un pied dans le din, un pied dans le péché, paumé. Bloqué entre rêve et cauchemar, vida loca.